prends la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu prends la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Je chante et au galop vers toi je me lance pour te dire Seigneur je t'aime, je danse. Seigneur mon roi, tu as de la classe, c'est pourquoi pour t'honorer je danse et au galop vers toi je me lance pour te dire Seigneur je t'aime, je danse. Gloire à Dieu. Seigneur des armées, alléluia. L'agneau de Dieu, alléluia. Tu es roi. Le Shiloh. Bien-aimés, si nous disons que Jésus est notre référence, nous devons marcher comme lui, parce que nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes.